surtout s'il arrive un jour où on dit au revoir à ceux qu'on aime. On est croyants, forts et fiers, dans la peau d'un lion, jusqu'au jour où on nous enterre. Je suis lenteur, rester les yeux fermés, le cœur étroit, lourdeur en cœur cerné, par la douleur d'un homme qui souffre, il me reste toujours du souffle à rire. Jusqu'à ma dernière minute, je plane sur l'air d'un espoir fané. Je prends mon train jusqu'au terminus, avec un destin d'armée. Parce que j'ai payé, malgré mon innocence, je suis resté debout. Aucun homme, aucune justice m'ont mis à genoux. La main ouverte, toujours à donner de mon bien. Pour ma vie, si tu veux, si tu sais encaisser les sales coups. Parmi vous, beaucoup de poupous, que des mondards déposent en prix, pauvres clowns. Que des doudous qui se lèchent le huc. La bouche d'un homme n'est pas une langue de pute. Apprendre à être brave, c'est admettre ce qu'on est. Garde la bouche fermée quand on caisse des tartes, j'en mets. T'es pas seul sur le navire, garde les couilles froides au cas où ça chavire. Comme un nouveau-né, j'ai préféré être seul que mal accompagné.